Le 19 décembre dernier, le gouvernement, allié à la droite et à l'extrême droite, a voté une loi piochée dans le programme du FN. Il représente le texte le plus dur depuis ces 30 dernières années contre les étrangers et les étrangères. Ce projet de loi a porté déjà de nombreuses dispositions inacceptables. L'introduction de la double peine, à une condamnation, on ajoute une expulsion. Des régularisations pour les étrangers et étrangères en situation régulière, mais uniquement pour des métiers dits en tension. La réduction des recours pour les déboutés du droit d'asile assortie d'une OQTF systématique. En son essence, c'est bien le logiciel de l'extrême droite qui a inspiré le ministre de l'Intérieur. On a à nouveau l'amalgame étranger et délinquant, la rhétorique de la submersion migratoire. Ce projet de loi est donc bien un projet raciste et xénophobe. Depuis, nous l'avons vu, ce texte a été fortement amendé, durci, reprenant à nouveau les thèmes phares du programme du Front National, dont la préférence nationale, la déchéance de nationalité pour les binationaux coupables d'homicides volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique, l'intégration de quotas migratoires, la remise en cause du droit du sol, le rétablissement du délit de séjour irrégulier ou le durcissement du recrutement familial, la restriction du droit au séjour des étrangers et des étrangères malades. Et oui, le président a menti ouvertement pendant sa campagne présidentielle. Il s'est présenté comme le rempart aux idées et aux programmes de l'extrême droite, et avec cette loi, il leur sert de tremplin. Aujourd'hui, les étrangers, étrangères, immigrés, sans-papiers et leurs enfants, dans une confusion totale, sont devenus les boucs émissaires et les responsables des maux de la société française. Le camp présidentiel participe à jeter l'opprobre sur les étrangers, sans assumer que ce sont ses propres politiques libérales et antisociales qui sont responsables de la misère dans le pays. Contre les précaires, les femmes, les habitants des quartiers populaires. Nous l'avons vu, ce sont pour une grande partie des étrangères ou des étrangers, notamment sans papier, qui ont effectué des tâches essentielles durant la crise sanitaire et qui occupent encore aujourd'hui les emplois les plus ingrats, dangereux et sous-payés. Ces discours sont le résultat d'un passé colonial mal digéré, avec des sociétés, notamment africaines, avec qui nous partageons un passé dont nous avons honte et que nous n'arriverons pas à assumer. Derrière ces discours, on le sait toutes et tous, il y a la réalité. Ce sont des milliers d'étrangères et étrangers qui vivent et dorment dans la rue, qui effectuent des tâches ingrates, qui travaillent sans droit, sans protection, à la merci des employeurs et des plateformes sans scrupules, qui subissent des discriminations raciales et xénophobes, qui sont encore une fois pointés du doigt, sans solution face à leur drame quotidien. En Gironde, il y a 1800 places en hébergement d'urgence. 1080 sont des sans-papiers, beaucoup sont des enfants. Cette loi les place dans une situation de précarité encore plus grande et dans un état d'anxiété permanent, puisqu'elles reculent leur accès à des hébergements d'urgence et plus largement à leurs droits. La loi immigration marque une brutalité, La loi immigration marque une offensive d'une brutalité historique contre les étudiants et étudiantes étrangères. Elle renforce les contrôles et conditionne la délivrance des titres de séjour à une caution. C'est inacceptable. Elle fragilise les conditions de vie des étudiants et étudiantes étrangères qui vivent souvent dans une grande précarité, dans des logements insalubres ou vivent dans la rue, effectuant des travaux précaires en plus de leurs études. Dans la continuité des réformes qui visent à rendre toujours plus sélective l'université, cette loi, avec le montant différencié des frais d'inscription et la restriction d'accès aux bourses d'études, va renforcer les discriminations entre les étudiants étrangers et étrangères et les nationaux. C'est pourquoi il faut nous battre pour une université ouverte à toutes et à tous, gratuite, sans condition de nationalité et sans sélection. Une refonte de l'aide médicale d'État a été annoncée. On sait qu'elle se fera dans un sens toujours plus restrictif. Elle impacterait particulièrement les femmes et les enfants en s'attaquant à l'accès aux droits, aux soins, aux droits à la contraception, aux droits à l'avortement, à la prise en charge psychosociale, au suivi de grossesse. Ce sont des femmes qui ne se soigneront pas, ce sont des cancers et des problèmes à l'accouchement qui ne seront pas détectés. Ce seront plus de femmes qui mourront à cause de leurs conditions de femmes. L'accès des femmes à leur protection contre les violences sexuelles et intrafamiliales s'en trouverait fragilisé et les rendrait donc encore plus vulnérables. Le délai d'accès aux aides sociales est passé à 5 ans de résidence. C'est jusqu'à 5 ans où une femme restera sans ressources si elle quitte son compagnon sans violent. C'est 5 ans où elle devra élever ses enfants dans la précarité. Ce sont des femmes qu'on habitue à ce que leur consentement ne soit pas respecté. Avec cette loi, dans les écoles et les établissements, dans une même classe, certains élèves seront considérés comme français, d'autres n'auront pas droit, certains pourront bénéficier d'aide au logement, pour se nourrir, pour se vêtir, d'autres n'iront pas droit. C'est inacceptable. Nous n'accepterons pas que ce gouvernement trace des frontières dans nos classes, dans nos quartiers, dans nos métiers, dans nos couples, dans nos relations, dans nos vies. Avec toutes les associations, syndicats, partis, nous sommes signataires de cet appel à manifester. Nous appelons toutes et tous à défendre une autre société, pour l'accueil, pour la dignité de toutes et tous. Nous sommes porteurs et porteuses de projets alternatifs et œuvrons au quotidien pour une société plus juste, plus belle et plus durable. Nous appelons à soutenir toutes les luttes pour la régularisation de tous les sans-papiers, notamment les grèves, pour l'égalité des droits, pour l'ouverture des frontières, contre l'extrême droite et ses idées. Nous appelons à empêcher l'application de cette loi en multipliant des actions de solidarité et en faisant œuvre de résistance civique. Alors, toutes et tous ensemble, la mobilisation continue, se poursuivra et nous retrouverons de plus en plus et encore plus fort. Merci. Thank you.